ولا تنسى أن السيزيفور que ce soit في تعلم هذه العبادة العظيمة رمضان الصيام أقصد أو أخرى هي طريق الجنة تتعلم pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala على علم وعلى بصيرة لا شك أن هذا هي طريق الجنة et كذلك le fait d'apprendre les efforts tu as un أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui fait un effort pour apprendre un ilm, Allah lui facilite طريق الجنة. المسلم fait attention à الدنيا وفتنة الدنيا كم من الناس ils oublient tout ça. ثم إذا جاء رمضان ils sont pas prêts, ils sont pas appris. ربما le cœur il est malade à cause des ma'asi ou al-ghafla et il profite pas de هذا الشهر. Et ربما ونسأل الله العافية il rentre pas في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est pas tous ceux qui jeûnent annahum ils ont la récompense. Là, celui qui a la récompense c'est celui qui a appliqué les deux conditions, ikhlasun wa mutaba'a, la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sanaqra inshallah dans ce dars un kalam jamil de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi et il va démontrer c'est quoi haqiqatu siyam. أي الصيام الجن كالله سبحانه وتعالى إلّم الصيام كي تقربش دالله سبحانه وتعالى الصيام كي va être utile pour toi في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا الكتاب الملخص الفقهي c'est un كتاب طيب جدا مختصر dans le fiqh. الشيخ الفوزان il a traité tous les chapitres de fiqh, الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. Et نحن ensemble on va lire le chapitre du siyam et il est mukhtasar, il est résumé. Lakin fi al-haqiqa yakfi. Pour le muslim yakfi. Il a cité des fawa'id tayyibah, il a cité des choses à éviter, il a cité des obligations, des sunan à faire et il a traité wallahi alhamd ce sujet d'une façon très simple et c'est ce qu'on a besoin nahnu. L'essentiel c'est d'apprendre et d'appliquer. Et plus c'est simple, wallahi alhamd, mieux c'est. Et tout au long de cette étude, on citera des références, incha'Allah ta'ala. Qala rahimahullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, babun fi wujubi sawmi ramadhan wa waqtihi. Premier chapitre, hafidahullah, il a démontré al-hukm, wal-waqt, ay al-hukm. Est-ce que c'est obligatoire ou la? Et al-waqt, et ça c'est muhim, li anna hadhihi al-ibada ala un temps bien précis. Un mois, shahr Ramadan, et كذلك la journée, ay waqt al-imsak, ay min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams, et hada sayati ma'ana insha Allah ta'ala. قبل هذا on cite un ta'rif muhim, wa huwa ta'rif al-siyam ou al-sawm. En arabe, tu dis as-siyam ou as-sawm, c'est la même chose. Qala al-hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi fil fath, as-sawm wa as-siyam fil lugha al-imsak. Lughatan al-imsak, c'est s'abstenir. Hada min hayth al-lugha, ay dans la langue arabe. Wa fi ash-shar' ay as-siyam, cette ibada azima qu'on va étudier ensemble inshallah. إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة تعريف طيب. Et on va détailler inshallah. قال إمساك مخصوص أي هذا الإمساك il est مخصوص. Le mot مخصوص il revient souvent في تعريف الحافظ رحمة الله عليه. مخصوص أي c'est d'une manière spécifique. فهذا الإمساك سإمساك إلى مخصوص أي d'une façon spécifique. وهنا المراد سإمساك الفم والفرج أي tu dois t'abstenir avec ta bouche et avec ton forge, أي ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de rapport. هذا إمساك مخصوص لأن si Al-Hafid, il n'aurait pas spécifié هذا l'imsak, ou Ahad, il aurait pu se dire, est-ce qu'on a le droit de parler, مثلاً. Là, l'imsak, il est مخصوص, des choses spécifiques. Tu dois t'abstenir de manger, de boire, et d'avoir des rapports avec ta femme. Et trois choses. On peut se poser la question, et كثير من الناس se pose la question, est-ce qu'on peut se parfumer? Est-ce qu'on peut prendre une douche? Est-ce qu'on peut faire du sport? Est-ce qu'on peut faire telle chose? كم من الناس ils ont des questions. الإمساك il est خاص بهذه الأمور المذكورة, et la nourriture et la boisson et avoir des rapports. Mais les autres choses, tant qu'il n'y a pas de délil, tu as le droit. Est-ce qu'on a le droit de se parfumer? Non. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser as-siwak? Non. La chaque, ce n'est pas de la nourriture. Et tout ça, ça viendra, Inch'Allah. Imsakun makhsous fi zamanin makhsous. Kadhalik, ce imsak, tu n'as pas le droit de manger et de boire fi shahri ramadan. C'est fi waqtin makhsous. Un temps bien précis, limité. Min طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عن شيء مخصوص. Et on l'a cité هذا في في الإمساك المخصوص. أي الأكل والشرب والجماع. Avec un قيد, bien sûr. Une précision doit faire هنا. عندما أن هذا الإمساك, أي le fait de s'abstenir, de manger et de boire. Il faut un قيد مهم. ما هو Alabas, plus précis, ahsan ta'abudan lillahi azza wa jal. Pourquoi? Lianna ba'dun nas, ahyanan, yumsikun an hadhi l'ashya. Par exemple, certains médecins, ils conseillent à leurs patients de ne pas manger, pas boire, ila akhiré, toute la journée. Est-ce qu'il a l'ajr et est-ce qu'il est compté avoir fait siyam? Abadan. Limadha? Liannahu il ne fait pas sa ta'abudan lillahi. Amma al-muslim, et yumsiku an hadhihi al-ashya ta'abbudan lillah, et ça doit être ça notre niya. On fait attention à ne pas faire passer des intentions avant cette intention, c'est ça le but. C'est at-taqarrub ila Allah, se rapprocher d'Allah. Amma ba'd an-nas quand ils entendent an-nasiyam fi fada'il, ay pour la santé, c'est bon pour la santé ila akhirah, fa rubbama il faut passer hadha al-janib et ils oublient l'essentiel. La hadhihi al-ibada al-'azima, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, chacun a fait hafawa'id, wallahi alhamd. Il y a des bienfaits pour le corps, etc. Lakin, ça suit. Amma, la base, al-asl, c'est at-taqarrub ila Allah azza wa jal. An shay'in makhsous. On a dit min al-akl wa shurb wa al-jima'. Min shakhsin makhsous. Ou, qala al-hafidh bi shara'it makhsousa. والإمام النووي رحمة الله عليه قال من شخص مخصوص إسا غسوم سلام من الشخص أي هذا الرجل أو هذه المرأة سو مسلم أو سو مسلمة كي vont faire الصيام أو plutôt cette personne لأن الإسلام on va voir que ça sera une condition cette personne elle doit avoir certaines conditions أولا الإسلام وشيخ الفوزان il va citer هذا لكن نحن pour expliquer التعريف فقط أما هذا إن شاء الله سيأتي من شخص مخصوص أي أن يكون مسلما أما الكافر son صيام il n'est pas accepté عاقلا أما المجنون il n'est pas obligé de faire الصيام لأن il est malade il ne sait pas ce qu'il fait fa il n'est pas concerné بالغا البلوغ أي atteindre l'âge de la puberté أما الصغير fa si fa الصيام de temps en temps pour s'entraîner ses parents l'encouragent fa طيب il est récompensé أما l'obligation c'est عند البلوغ. Et on détaillera, Inch'Allah, ce point. Ou an yakun qadira, ay, la capacité. Amma l'ajiz, que ce soit maladie, ou vieillesse, ou autre, fahada, il n'est pas obligé de faire as-siyam. Ou min ahsan al-ta'arif, qui englobe tout ça, c'est ta'arif à l'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, fi tafsirih, qala as-siyam huwa al-imsak, an il-muftirat, مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Vous avez remarqué qu'il a cité pratiquement tout ce qu'on a cité نحن en explication, il l'a cité dans son تعريف رحمة الله عليه. هو الإمساك عن المفطرات. Et tu t'abstiens de manger, boire, d'avoir des rapports. مع اقتران النية Bien sûr, avec une intention. Aïlillahi azza wa jal. Ta'abboudan lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'intention. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min tolu' al-fajr. Aïd du fajr. Jusqu'à ghurub al-shams. Jusqu'au coucher du soleil. Hada huwa al-siyam al-shara'i. Al-ta'arif, celui qui n'arrive pas à noter, si ça va trop vite, bah, incha'Allah, à la fin du cours, on vous donnera le ta'arif ou les références. Qala الشيخ الفوزان حفظه الله باب في وجوب صوم رمضان ووقته الآن ولله الحمد on sait c'est quoi الصيام أو الصوم قال الصوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة c'est un ركن من أركان الإسلام من يذكر دليلا وتقدم معنا كثيرا أن صيام شهر رمضان سأركن من أركان الإسلام عند من فضل تمام حديث فضل عبد الله بن عمر أحسنت والصوم رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإسلام بني على خمس الإسلام il est fondé sur 5 piliers ومنها صيام هذا الشهر المبارك قال ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع أي أن رمضان c'est une adoration c'est obligatoire قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية ومعنى كتب فرض قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم أي c'est obligatoire والفرض والواجب c'est la même chose وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه والأمر يرحمك الله والأمر للوجوب dans le verset كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام أي la ordonné et la base dans l'ordre c'est l'obligation وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وذكر منهما صوم رمضان والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة beaucoup de hadith qui démontrent les mérites du siyam et كذلك que c'est une obligation. Et on peut citer quelques ahadith huna, quelques fada'il, certains mérites. Awalan, anna siyam hadha ash-shahr fihi ajrun 'azim. Il y a une énorme récompense pour celui qui fait as-siyam avec la sincérité bien sûr. Qala Allahu 'azza wa jalla innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات هؤلاء qui ont ces caractéristiques الإسلام والإيمان والصبر et الصيام أي يصومون لله عز وجل قال سبحانه Il cite Azza wa Jal des autres anwa' والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أي هؤلاء الله سبحانه وتعالى il leur a préparé المغفرة أي le pardon il leur pardonnera والأجر العظيم هذا الصيام في الحقيقة من وفقه الله سبحانه وتعالى لصيامه Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité de faire le siyam, fali ahmadillah. Ça passe très vite, c'est très simple. Walillahi alhamd. Wa kam min an-nas hurimu min hadha al-al. Et c'est eux la cause, annahum ils se sont écartés de din Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'arrivent plus à faire siyam et ils sont mahroum min hadha al-ajr al-azim. Al-maghfira, Allah il pardonne à celui qui jeûne, et كذلك al-ajr al-azim. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. Chaque عمل que le musulman fait, Allah subhanahu wa ta'ala il lui multiplie la récompense. Une hasana, Allah subhanahu wa ta'ala il la multiplie par 10. فضل من الله عز وجل. بل سأقول جزك 600 كما جاء في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صف الصيام. قال عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى الصيام إلى cité à part, il a dit que ça sera lui qui récompensera. أي ربما أكثر, peut-être plus de 700 fois. فأجر عظيم وفضل واسع. كذلك أن الصيام سبب لتكفير الذنوب كما تقدم في الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. entre les deux رمضان Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés de son âme. Idha shtunibat al-kaba'ir. Bien sûr, il faut s'écarter des grands péchés. Mais les grands péchés, il faut at-tawba. Wa taqaddam ma'ana al-hadith fi as-sahihayn. Qala sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah lui pardonne ses péchés. Qala al-imam ibn Rajab rahmatullah alayhi wa takfiru ay adh-dhunub. وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. Bien sûr, هذا c'est pour celui qui fait le siyam en se basant sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et en s'écartant des choses qui contredisent ce siyam. Inch'Allah, il aura cette récompense. كذلك من الفضائل أن الصوم c'est un سبب عظيم لدخول الجنة. أن celui qui jeûne في رمضان الواجب avec une bonne niya, c'est un sabab pour qu'il rentre في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين إن في الجنة بابا يقال له الريان أو الريان, نعم, يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. هذا الباب العظيم, c'est un bab khas, spécial pour ceux qui ont fait as-siyam. Lillahi azza wa jal. كذلك الصوم جنة. كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمة الله عليه. أي pour expliquer. Ça veut dire quoi جنة؟ قال فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. الجنة c'est الوقاية, أي هذا الصيام يوم القيامة ça sera une protection pour ce صائم contre le nar. فمن صام لله عز وجل, il a patienté, il s'est abstenu de manger, boire, alors que c'est des choses que chaque être humain il a besoin, لكن il s'est abstenu لله عز وجل. فهذا الإمساك, هذا الصيام qui était fondé sur l'ikhlas, ça sera une protection entre الصائم والعذاب et le châtiment. Et هذا s'englobe الصيام الواجب et كذلك الصيام recommandé. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن للصائم فرحتان, أن celui qui jeûne il aura deux joies, il sera content à deux moments. قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم, أي المؤمن يفرح عند الإفطار, le soir quand il va manger يفرح, il est content, et كذلك سيفرح Et c'est un farha azim yawm al-qiyam annahu bi sabab hadha al-siyam wa kadhalik bi sabab ghayrih al-mu'min rentre fi al-jannah. Wa fada'il ukhra qu'on avait cité fi sharh 'umdat al-ahkam. Qala rahmatullah alayh aw hafidhahullah wa ajma' al-muslimun 'ala wujub sawmihi wa anna man ankarahu kafar. Ijma' al-muslimin anna al-siyam c'est obligatoire. وَمَنْ أَنْكَرَ أي celui qui pense, qui croit, qui dit أن الصيام c'est pas obligatoire, صيام شهر رمضان et ينكره, il le rejette أن ça fait pas partie du دين عيادا بالله فهذا يكفر بالإجماع il sort de l'islam l'unanimité des savants أنه c'est plus un muslim لماذا لأن les textes ils sont clairs. On a cité quelques versets des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, celui qui rejette tout cela, il y en a s'il rejette un Ramadan, il faut le jeûner. En fait, il rejette tous ces hadiths-là. Fala shak annahu yakfur. Il ne croit pas en ces versets du Coran. Amma celui qui le délaisse, ma'a i'tiqadihi annahu c'est wajib, ça reste un muslim, lakin il est ala khatarin azim. Tarku al-siyam takasulan tahawunan. على الصحيح ça fait pas sortir de l'islam مع ان بعض العلماء ils disent que ça fait sortir de l'islam même s'il reconnaît que c'est obligatoire لكن il le délaisse par fainéantise c'est pas un muslim. هكذا يقول بعض اهل العلم منهم الامام احمد في روايه رحمه الله عليه لكن الصحيح انه صغست مسلم لكن il est على خطر عظيم. Délaisser des piliers de l'islam même si ça fait pas partir de ça fait pas sortir de l'islam c'est pas simple. لأن الإيمان يضعف يضعف يضعف حتى ربما سوء ديليسمون سي لا كوز دان اوتر ديليسمون حتى يدلس الدين. وهذا سمشاهد أن بعض الناس يدلس الصلاة عياذا بالله ثم يدلس الصيام ثم يدلس يدلس حتى يزون بلو الدين حتى الشهادة لا برونس بلو عياذا بالله. أما متى فرض لأن الآن سي ولله الحمد والصعب أن صيام رمضان سي أوبليغاتوار. بقي متى فرض أي سكان كسي دفني أوبليغاتوار. قال الإمام النووي رحمة الله عليه كما في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوني 9 سنين. قال لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية لا دوزيام أني دو ليجير شهر شعبان أي جست أبو رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset « Anna siyam » c'est obligatoire. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 fois. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et après, il est mort. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort la 11e année من ربيع الأول, et avant Ramadan, et Allah il a ordonné de jeûner Ramadan la 2e année de l'Hijra, au mois de Sha'ban. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné la 2e année, la 3e, il a akhir. Donc il a jeûné 9 fois alayhi salatu wassalam. قال الشيخ البوزان والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. الست حفظه الله تعالى الحكم أي la sagesse. الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire هذا الصيام في هذا الشهر يد حكم عظيمة. Ça va purifier هذا المسلم. قال الشيخ الفوزان تطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. صحيح أن المسلم quand il fait الصيام il se remet en question. Et هذا الصيام فيه بركة ونفع pour ce مسلم dans son corps et dans son din. قال لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث أن الشيطان circule dans l'être humain comme le sang circule dans les veines. الشيطان سعدو لا يترك الإنسان فأفك الصيام سيضيق هذه المجاري سيضيق على الشيطان. Ça va repousser le shaitan bi'idnillahi azza wa jal. قال فإذا أكل أو شرب إن بسطت نفسه للشهوات. صحيح. Plus l'insan y mange et il boit et il a de la quwa plus son nefs ça l'appelle à faire du mal. Hada siyam, ça va diminuer cette quwwa et cette force à vouloir faire du mal avec le siyam, elle est diminuée. Qala wa adha'afat iradatuha wa qallat raghbatuha fi al-ibadat wa as-sawm 'ala al-'aks min dhalik. Hadhihi an-nafs, qui est à l'aise, qui mange, qui boit beaucoup, elle voudra faire du mal. Elle sera attirée par les shahawat, les passions, ayyadan billah wa al-haram. Et كذلك, elle aura du mal à faire certaines ibadat. As-siyam, c'est l'inverse. Il sera attiré par l'ibadah et bi-idhnillah azza wa jalla il s'écartera du haram. Wa hadha on le voit wa lillahi alhamd fi shahr ramadan. Kathirun min an-nas yatubun. Al-masajid wa lillahi alhamd tamtali. Les masajid ils sont pleins. Wa an-nas yuhibbun al-khayr. Et ils font des efforts dans leur dîn, et ça, en fait, c'est une alama tayyiba. Anna al-khayr il est hasil fil umma. Lakin, hada shar, ça doit être une force pour faire tawba et continuer à faire du khayr tout au long de l'année. Li anna lil asaf, ba'd an-nas, quand Ramadan c'est fini, et ils retournent à leurs habitudes, et shaytan yahjoum alayhim, et rubbama al-ba'd, ils reviennent à ce qu'il faisait avant Ramadan ou akthar. كذلك نستفيد نحن من هذا ان شهر رمضان c'est un moment طيب pour faire da'wa. Da'wa c'est toute l'année ولله الحمد, لكن في شهر رمضان الناس ils sont attirés par din akthar et ils écoutent akthar. طالب العلم il en profite pour faire da'wa. قال وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الاخره. صحيح. Il a délaissé l'akl, la nourriture, la boisson, tout ça pour l'akhirah. Il va le pousser à œuvrer pour l'akhirah et comprendre ce qui va rester c'est l'amal salih. Amma le reste ça part. Fahada siyam walillahi alhamd, c'est un rappel pour le mu'min. Qala wa fihi ba'ithun 'ala al-'atf 'ala al-masakin wa ihsas bi alamihim. Hikmatun tayyiba. Comme min an-nas, ils sont privés de nourriture et de boisson tout au long de l'année. Fi ba'd al-amakin, fi ba'd al-buldan, ba'd an-nas, ils ont encore du mal à trouver à manger, à boire, etc. Fal mu'min, quand il fait le siyam, il se rappelle annahu il est fi ni'matin 'azima. Celui qui lui a donné c'est Allah. Certaines personnes, ils sont éprouvées, ils sont privées. Et Allah, il a une hikma azima. Anta tahmadu Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ressens la douleur de ceux qui n'ont pas. Donc, tu es reconnaissant. Et kadhalik, si tu es éprouvé, tasbir. Fa ba'd an-nas, ils sont éprouvés akthar mink. Ba'd an-nas, ils n'ont pas de quoi se soigner, de quoi manger, de quoi boire. On précise, hana, anna, ce manque que tu ressens fait Ramadan, aïe. De manger, de boire, et tu ressens la douleur de ceux qui n'ont pas, ça doit nous pousser كذلك à sadaqa. بعض الناس مساكين, ils n'ont rien, ils sont contraints à demander. Anta, avec ce siyam, tu sais c'est quoi la douleur de la faim et de la soif, on s'entraide avec nos frères musulmans qui n'ont pas. قال لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع. نعم إلى السيتي أن تعريف طيب هنا. الصوم في الشرع الإمساك بنية. Vous avez remarqué la cité, لأن مجرد الإمساك ça suffit pas. لو واحد tout le mois de Ramadan il mange pas, il boit pas du طلوع الفجر jusqu'au غروب, لكن il a pas de نية, il fait pas ça parce que c'est un musulman. Ça arrive هذا. بعض الكفرة في شهر رمضان نشروا هذا, ils ont propagé هذا dans le siyam de l'année dernière, أن البعض, des personnalités connues, pour ressentir ce que les musulmans ressentaient, ils ont fait un siyam quelques jours. هذه c'est une niya facile. Celui qui fait un siyam, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما ressentir ce que les musulmans ressentent, هذه il n'y a aucune faïda, وهذا c'est من السفة. هؤلاء sont faibles d'esprit, ils ont un problème في عقولهم. إما tu jeûnes pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa illa pourquoi jeûner. لا بد من هذه النية عن أشياء مخصوصة, Et bien sûr, à un moment précis, comme on a cité dans le ta'rif de l'imam al-Qurtubi, rahmatullah ala al-jami'. قال ويتبع ذلك الامساك عن الرفث والفسوق. فالصيام, ce n'est pas que s'abstenir de manger et de boire. لا. الصائم في هذا الوقت في شهر رمضان. Et في الحقيقة toute l'année, لكن في الصيام أكثر. C'est un abdun lillahi azza wa jal. Il doit se comporter avec le comportement d'un mu'min. Des choses, elles sont obligatoires, il doit les faire. Des choses, elles sont interdites, il doit s'écarter. Fassiyam, c'est pas mujarrad, ne pas manger et ne pas boire. Al-ba'd, lil-asaf, ils font siyam et ils font pas salah. Hala, c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu obligatoire al-salah avant siyam. As-Siyam, c'est la deuxième année de l'Hijra, alors que Salat, c'était avant Al-Hijra. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Celui qui la délaisse, فقد كفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يفوت الصيام يدلس عبادة عظيمة. لماذا؟ لأن c'est devenu comme une coutume automatique. Tout le monde jeûne, donc il jeûne. Tu le trouves هذا عند بعض الآباء والأمهات qui n'ont pas de علم. Si leur enfant il fait pas salat, فربما لا ينكرون عليه. Si il fait pas صيام, ça passe pas. لماذا؟ الجهل. Alors que salat على الصحيح, celui qui la délaisse, il sort de l'islam. أما الصيام لا, ça reste un musulman. Ça veut pas dire que on lui montre pas la ننكر عليه. لكن الإنكار في باب الصلاة ça doit être أشد. لكن عند البعض, ne pas faire le siyam, ça se fait pas. لأن les gens ils vont dire, il a akhir, la, al-siyam c'est une ibad azima, wa ta'ammal ma'i. هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. Et on conclut le dars avec هذا الكلام الجميل. قال رحمة الله عليه كما في كتابه النفيس الوابل الصيب والصائم هو الذي صامت جوارحه عند عن الآثام. Il va démontrer c'est qui celui qui fait véritablement as-siyam. As-siyam al-haqiqi ki maqbul 'inda Allah, mahbub 'inda Allah jalla wa ala. As-sa'im huwa alladhi samat jawarihuhu 'an al-atham wa lisanuhu 'an al-kadhib wa al-fuhsh. As-sa'im c'est celui dont ses membres jawarihuhu, ses mains, ses pieds, ila akhiri, ses yeux, son regard, tous ses membres, ils s'écartent du haram. Et il s'abstient de faire du haram. قال ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. كذلك sa langue, elle fait siyam. Il ment pas. الحقيقة هذا c'est في رمضان وفي غير رمضان. لكن في رمضان أكثر. أنه il ment pas. Il parle pas sur les gens. بعض الناس يصومون du matin au soir جالسين et ils parlent sur les gens. فيصومون أي leur ventre, ils mangent pas. Il ne boit pas, mais qu'il leur lisane, il ne fait pas siyam. Bel fi haram. Ça fait du mal à ce jeûneur. Il n'aura pas la récompense comme celui qui fait siyam. Iman wa ihtisaban. Et s'écarte de ses ma'asi. Qala wa batnuhu min at-ta'am wa sharab wa farjuhu 'an ar-rafath. Non, il n'a pas de rapport. Kadhalik son ventre, kadhalik sa langue et tous ses membres. Hada huwa as-sa'im. Qala fa in takallama lam yatakallam ma yajrah sawmuhu. Si il parle, il parle pas avec une chose qui va faire du mal à son siyam. Les insultes, le mensonge, le faux témoignage, médisance, namima, wa hakada. Qala wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsid sawmuhu fa yakhruj kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Quand il parle, il y a du naf'. Fa li hadha as-sa'im yantabih akthar que quand il est pas sa'im. Annahu il dit des choses nafi'a, il s'écarte du haram. قال وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته. Comme tu profites quand tu t'assois à côté de quelqu'un, il a mis du parfum, فهكذا tu dois profiter si tu t'assois avec quelqu'un qui fait siyam. Il n'est pas comme les autres, في الحقيقة il est في عبادة عظيمة, et ça se voit dans son comportement, dans ses faits, dans ses gestes, dans ses paroles. قال وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. القيم رحمة الله عليه يقول هذا سس الصيام. C'est pas le fait de ne pas manger et boire. Faqat la as-siyam c'est une ibada azim. Ila akhir kalamihi. Naktafi bi hadha al-qadr. Et le prochain dars inshallah, on commence un nouveau point, le début de siyam, le mois de Ramadan, et كذلك ما يتعلق ب التوقيت في اليوم اي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نسال الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. La plupart de ces fawaid, de ces ahkam, on les a cités في شرح عمدة الاحكام qu'on avait fait مع بعض الاخوان, et on a propagé les dorus ولله الحمد. Celui qui veut des fawaid ربما اكثر من هنا, c'est cité dans le Shahih, dans Kutub Ahlil Ilm et Durus Ahlil Ilm, akthar wa anfa'.